Chapitre 4e. Le gala du régiment ne produisit probablement pas tout ce qu'on avait attendu, les cœurs tendres et les yeux brillants de Silverton, car une seule noce en fut la conséquence. Cette conséquence fit, un peu promptement peut-être, de Sophia Compton une fiancée assez imprudente. Sa charmante voix et sa beauté formaient un tout enchanteur que l'inflammable lieutenant Willoughby ne put se décider à laisser derrière lui, et précisément, au moment où la pleine lune se levait sous les tentes des danseurs, il attira doucement la belle Sophia vers l'ombre profonde où les cantiniers tenaient leurs établissements, pour lui jurer, par un serment solennel, qu'il cesserait plutôt de vivre que de renoncer à l'espoir de fuir avec elle ce soir même. Quoique très flattée, Miss Sophia refusa obstinément de recourir à ces moyens violents et supplia son amant de demander sa main au révérend. Le jeune Willoughby, qui savait devoir rencontrer dans sa propre famille une opposition opiniâtre et qui était obligé de la consulter s'il parlait à la famille Compton, fit tous ses efforts pour vaincre les scrupules de sa belle sans pouvoir y réussir. Mais comme il était de ceux que les obstacles excitent, il oublia bientôt que ce mariage lui ferait infailliblement perdre la belle fortune dont il devait hériter et demanda la main de Sophia. Elle lui fut accordée sans difficulté et 10 jours après le bal, le lieutenant Willoughby épousait Miss Sophia Compton. Un an après, un enfant du sexe féminin, portant le nom d'Agnès Willoughby, était confié aux soins du vicaire de Silverton et de son épouse, la jeune mère étant morte en couche et le jeune père infortuné, le cœur brisé, s'embarquant pour les Indes orientales. Ayant trouvé son père implacable, ses sœurs, qui étaient convenablement mariées, remplies d'indignation, il s'était décidé à échanger la commission qu'il avait dans le gai régiment de X pour s'enrôler dans un autre régiment faisant partie d'un corps en partance pour un service où, probablement, une mort prématurée l'aurait bientôt délivré de tous ses chagrins. Pendant ce temps, les dettes allaient toujours s'accumulant dans le ménage du vicaire de Silverton et il fallut en arriver à mettre en vente la moitié des biens paternels, c'est-à-dire quelques pièces de terre plus la ferme appelée Compton Bassett. L'acquéreur qui l'emporta fut un fermier du nom de Wright, qui n'était autre que l'honnête tenancier de Miss Betsy. Et l'étonnement eût été grand si on avait su dans le pays que c'était cette dernière qui était le véritable acquéreur. Par la sage manière dont elle avait géré son petit avoir depuis 25 ans, cette judicieuse personne avait amassé de quoi racheter la part de son frère, ce qui n'avait pourtant pas empêché la pauvre fille infirme de faire le bien autour d'elle. Elle savait, par des prêts offerts au bon moment, par des conseils, faire une charité mieux entendue peut-être que s'il avait donné de l'argent, souvent mal employé. Bref, le bruit courait que tout son revenu passait aux pauvres et qu'elle laissait sa propre famille dans l'embarras. La brillante Martha avait vu passer ses premières années de jeunesse sans que parmi ses légions d'amoureux, dont les adorations passionnées lui avaient suscité l'envie de tout son sexe, il s'en fut trouvé un seul qui offrit de l'épouser. Une grande portion de l'argent provenant de la vente des biens de la famille avait déjà été dissipée, et M. Compton s'était vu forcé, pour cause de santé, de céder son vicariat. Les prétentions de la famille étaient donc fort rabaissées, quand M. Barnaby, le célèbre chirurgien et pharmacien de Silverton, qui soupirait depuis 6 ans pour la belle Martha, lui demanda tout à coup si elle voulait devenir sa femme. Quelques années auparavant, il eût été reçu avec le plus beau nom qu'on puisse imaginer. Mais les temps étaient bien changés, et Miss Martha, ayant autorisé sa demande, le mariage fut fixé au plus bref délai possible. La petite Agnès Willoughby avait alors atteint l'âge de 11 ans. Avant l'accomplissement de la cérémonie, il se passa 2 événements qu'il me faut mentionner dans le but de faire connaître au lecteur le caractère de mon héroïne. L'importante affaire du mariage ne fut pas plutôt décidée que Miss Martha déclara à sa mère qu'elle voulait aller elle-même l'annoncer à sa tante Betsy. Et bien que fort peu encouragée dans ce dessein, elle partit un jour, vers 3 heures, emmenant Agnès avec elle. La route se fit presque tout entière en silence. La petite ne parlait guère à sa tante que lorsque celle-ci lui adressait la parole, et Miss Martha était alors fortement préoccupée par la question de savoir si M. Barnaby voudrait bien remeubler son salon à neuf. On était au mois d'avril. L'air était délicieusement suave. Aussi, quoique les feuilles fussent à peine développées, nos visiteuses trouvèrent-elles Miss Betsy assise dans son bosquet et jouissant avec bonheur du bourdonnement de ses abeilles. À cette époque, la pauvre fille bossue avait environ 50 ans et quoique les défectuosités de sa taille n'eussent certainement pas diminué avec l'âge, elle n'en était pas moins une petite vieille infiniment agréable. Son bonnet était toujours aussi frais et lui seyait aussi bien qu'au temps de la visite de Mrs. Compton. Il avait juste 12 ans et son teint était resté presque aussi délicat. À mesure que Martha approchait du bosquet, la petite bossue fixait ses yeux sur elle sans avoir l'air de la reconnaître. Agnès, suivant sa tante de très près, était restée invisible pour une minute ou deux. Mais du moment que Miss Betsy l'aperçut, elle se leva de son siège et, faisant vivement quelques pas en avant, prit l'enfant par la main, la fit entrer dans le bosquet et la plaça sur le banc à côté d'elle. La petite Agnès, qui savait qu'elle allait voir sa tante Compton, comprit à ce mouvement qu'elle était en sa présence et de plus qu'elle devait être une bien bonne personne. Aussi, quand la vieille dame, après avoir examiné ses traits attentivement, lui dit « Vous êtes la petite Agnès, n'est-ce pas ?» elle reprit sans timidité et sans hésitation « Oui, je suis la petite Agnès. Et vous, vous êtes la bonne tante Betsy, qui m'avait donné des oranges pendant ma rougeole. Vous souvenez-vous de cela, mon enfant ? Il y a bien longtemps, presque la moitié de votre petite existence. Ôtez votre chapeau, Agnès, que je vois votre figure. » Agnès obéit. Et Miss Betsy reposa ses yeux sur l'un des plus jolis visages que les doux rayons d'avril aient jamais éclairés. La pâle recluse tint ses yeux pénétrants fixés sur la petite fille pendant plusieurs minutes, sans prononcer un mot. À la fin, elle dit, mais comme se parlant à elle-même, « Elle a précisément la figure que je lui voulais. Son père était un gentleman. Elle n'aura jamais de gros joues rouges, ceci est bien certain. » « Comment vous portez-vous, tante Betsy ?» dit Miss Martha d'une voix claire et distincte, trouvant probablement qu'il y avait assez longtemps qu'elle restât en arrière. « Très bien, je vous remercie, » fut la réponse. « Mais qui êtes-vous ? » « Oh, ce n'est pas possible, tante, c'est une plaisanterie. Comment ? Reconnaissant Agnès, qui n'était qu'un bébé la dernière fois que vous l'avez vue, ne me reconnaissez-vous pas, moi ?»« Ah, vous êtes donc Miss Martha, la beauté à la mode. Comme vous paraissez vieille pour votre âge, Miss Martha, vous ne devez guère avoir dépassé 30 ans. » « C'est probablement pour cela que je ne vous ai pas reconnu. Comment va votre pauvre père ?»« Très mal. Mais j'espère que la nouvelle que je viens vous apprendre lui fera autant de bien qu'elle vous fera de plaisir. Je vais me marier, tante Betsy, avec quelqu'un dont la position me mettra pour toujours à l'abri de tout embarras pécuniaire. Mais, à vous dire vrai, car je suis la fille la plus franche et la plus honnête du monde, je suis venu vous demander un peu d'argent pour me faire un trousseau. Autrement, je serais forcé de demander à mon mari de m'acheter une chemise. Si vous n'avez pas de chemise, Miss Martha, avec un aussi beau chapeau que celui-ci, j'estime qu'il faut qu'un homme soit un bien grand imbécile pour vous prendre. Après tout, c'est son affaire, non la mienne. Il m'est impossible de vous donner aucun argent pour n'importe quoi, soit maintenant, soit à aucune époque à venir. Ainsi, si vous êtes aussi sage que franche, vous ne m'en redemanderez jamais. Si vous épousez un gentleman, et que vous ayez des enfants qui se comportent selon les principes de l'honnêteté et des convenances comme je les entends, il est possible que je partage le peu que je laisserai entre eux et d'autres personnes qui auront des droits égaux aux leurs. Mais je souhaite de tout mon cœur que vous n'ayez point d'enfants, car je suis convaincu que je ne les aimerai pas, et je préférerais laisser la pauvre petite bagatelle qui restera après moi à quelqu'un que j'aimerais. » Le cœur de Miss Martha était gonflé de rage. Cependant, et si éloigné que fût l'héritage auquel Miss Betsy faisait allusion, il eut pourtant assez d'influence pour l'empêcher d'éclater. Elle demeura assise et silencieuse, quoique son cœur battît bien fort et que ses joues fussent bien brûlantes. Le petit discours qu'elle venait d'entendre n'était certainement pas fait sur un ton agréable, mais, pour excuser la sévérité de Miss Betsy, il est bon de dire qu'elle connaissait dans tous ses détails la scène qui s'était passée dans la boutique de M. Smith, il y avait environ 12 ans, et dans laquelle un certain capitaine Tate avait joué, sans s'en douter, un rôle si important, Mrs. Wright, la femme de son fermier, ayant été témoin de la scène tout entière. Quand Miss Betsy eut fini de parler à Martha, elle se retourna vers Agnès, qui était restée à l'entrée du bosquet, regardant les abeilles avec une vive attention. « Ce sont de jolies petites créatures, bien intéressantes, n'est-ce pas, Agnès ? » dit-elle. « J'espère qu'un jour vous serez aussi active, aussi industrieuse qu'elle. Aimez-vous travailler, ma petite fille ?»« J'aime mieux jouer, » répliqua Agnès. « Ah, c'est parce que vous êtes encore bien jeune. Et qui sont vos compagnons de jeu, Agnès ? » ?»« « Je n'ai pas d'autre compagne de jeu que moi-même, » fut la réponse. « Où jouez-vous ? » « Dans le jardin de grand-papa, derrière la maison. » « Et à quoi jouez-vous ? » « Oh, à bien des choses, à faire des plates-bandes de fleurs en été, et des boules de neige en hiver. » « Il y a Merle, que je connais, étant de rouge-gorge. Et ils me connaissent aussi, et je... »« Vous savez lire, Agnès ?»« Un peu, » répondit l'enfant, devenant très rouge. « Venez ici alors, lisez-moi une page de mon livre. » La pauvre Agnès obéit au commandement. Elle vint se placer avec soumission à côté de sa tante, prit le livre entre ses mains et commença à lire. Mais elle s'en acquitta d'une façon si lente, si incomplète, que, soit bonté d'âme, soit manque de patience, Miss Betsy ne la laissa pas continuer. Et lui ôtant le volume, elle dit d'un ton plus grave que celui qui lui était habituel, « Personne n'a l'air de s'être donné beaucoup de mal pour vous apprendre à lire, ma petite fille. Mais je pense bien qu'un jour vous lirez mieux que cela. « Avez-vous faim, Agnès ? Voudriez-vous manger quelque chose après votre promenade ?» Ravie d'être ainsi délivrée de la honte de montrer son ignorance, la petite fille répondit gaiement « Oui, en vérité, j'ai très faim, madame. » « Alors asseyez-vous ici et reposez-vous quelques instants. Je vais aller voir ce que je puis vous donner. » Et ainsi disant, Miss Betsy se leva et se dirigea vivement vers la maison. « Vieille brute ! » s'écria Miss Martha, aussitôt que la petite bossue ne fut plus à portée d'entendre. « Quelle bosse ! N'est-elle pas une beauté, Agnès, hein ?»« Une beauté, tante Martha ? Oh non ! Je ne crois pas qu'elle soit ce qu'on appelle une beauté. Quoique j'aime bien l'expression de sa figure. Je... Mais ce n'est pas bien sûr une beauté, car vous en êtes une, vous, et elle n'a pas la moindre ressemblance avec vous, vous savez. Qui est-ce qui vous a dit que j'étais une beauté, enfant ? Oh ! Je vous ai entendu parler de cela bien souvent avec grand-maman, et j'ai entendu hier M. Barnaby dire en entrant « Comment cela va-t-il, ma beauté ? Et d'ailleurs, je vois bien par moi-même que vous êtes d'une beauté. » « Oh, je vous en prie, Agnès, » répliqua la tante, riant de très bon cœur. « À quoi reconnaissez-vous une beauté quand vous en rencontrez une ? Eh bien, est-ce que je ne vois pas, chaque fois que je vais me promener du côté de la boutique de M. Gibbs, les beautés qui sont dans sa vitrine, avec leurs joues roses et leurs yeux noirs ? Et cette quantité de belles boucles. Vous êtes exactement pareil à l'une des beautés de M. Gibbs, tante Martha. » Miss Martha se ressouvint qu'il y avait en effet une très jolie tête dans la vitrine du perruquier du village, et ne douta pas que l'observation de la petite Agnès n'eût rapport à celle-là. Ce fut donc avec l'un de ses plus agréables sourires qu'elle répliqua « Quel petit oison vous faites ! Comment puis-je ressembler à une tête de cire enluminée ?» Leur discussion fut interrompue par la servante qui venait leur dire que Miss Betsy les attendait dans le petit salon. Elle leur offrit un pain fait à la maison, un bol de crème et des verres d'eau. Quoique d'une simplicité rustique, ce repas fut très goûté par les deux nièces, bien qu'il fût très évident qu'il n'avait été offert qu'à l'une d'elles. Ce fut tout ce que Miss Martha put tirer de sa tante Betsy. Elle s'en consola avec l'espérance de voir ses enfants, car elle ne doutait pas qu'elle n'en eût, comme tout le monde, jouir d'une part de l'héritage de la vieille fille. Un mois environ après la visite de Miss Martha à Compton Bassett, et quelques jours seulement avant l'accomplissement du bonheur de M. Barnaby, la tante Betsy arriva chez son frère à l'improviste. Elle trouva celui-ci à moitié abruti entre son taudis et sa pipe, ce qui, malgré tous ses efforts, ne manqua pas de la refroidir singulièrement à son égard. Et après avoir essayé de lui faire comprendre combien il avait négligé son devoir en laissant sa petite fille vivre dans un pareil état d'ignorance, elle monta au petit salon où ces dames travaillaient aux préparatifs du mariage. L'entretien fut aussi acerbe qu'on peut se l'imaginer. Mrs. Compton reprocha à sa belle-sœur de laisser mourir de faim sa propre famille, tandis qu'elle dissipait ses revenus à entretenir des étrangers par ses scandaleuses charités. Miss Betsy répondit qu'elle aimerait mieux tout donner aux pauvres que d'encourager les désordres de Mrs. Compton et celui de son ménage, et enfin, en portant une robe d'Agnès, elle s'en alla, en disant qu'elle allait faire faire les objets les plus nécessaires et qu'aussitôt qu'il serait prêt, elle viendrait chercher la petite pour la mettre en pension pour 5 ans. En repassant dans le parloir où fumait son frère, elle lui apprit que tout était conclu et qu'elle reviendrait bientôt pour emmener Agnès. Le pauvre homme en éprouva une vive reconnaissance et ce fut avec une animation tout à fait inaccoutumée qu'il dit à sa sœur « Merci, Betsy ». Il y avait précisément 3 jours que Miss Martha Compton était devenue Mrs. Barnaby, lorsque s'arrêta devant la porte la même chaise de poste qui l'avait emmenée pour s'en aller faire une excursion de 48 heures à Exeter, excursion pour laquelle le galant marié s'était accordé un jour de congé afin d'accompagner sa femme. Mais cette fois, la chaise de poste n'était louée ni par le marié ni par la mariée, c'était la petite vieille contrefaite qu'il avait prise et qui venait, selon sa promesse, chercher Agnès pour la conduire en pension. « Il faut entrer pour dire adieu à votre bon papa, Agnès, » dit Miss Betsy, comme elle passait devant la porte de la salle où se tenait M. Compton, et elles y entrèrent ensemble. « Que la bénédiction de Dieu vous accompagne, ma pauvre petite fille, » dit le vieillard, après avoir baisé l'enfant au front. « Et souvenez-vous de bien contenter, tante Betsy, car je ne crois pas pouvoir désormais obliger personne. Que Dieu vous garde, Agnès. » « Oh, ciel, monsieur Compton, quel besoin avez-vous de parler ainsi à cet enfant ?» s'écria Mrs. Compton. « Pensez-vous donc qu'elle manque jamais de rien avec une tante comme Martha et un homme comme monsieur Barnaby ? Un homme qui a un salon pareil et une livrée ? Un domestique, pour le moins ? Comptez-vous donc enlever Agnès à sa famille, sœur Betsy ? Et ne la reverrons-nous point aux vacances ? Je crois qu'il vaut mieux pour elle, sans parler des frais de voyage, qu'elle ne revienne pas souvent, Mrs. Compton. Pourtant, je vais stipuler que je vais la voir plus d'une fois pendant ce laps de temps et tâcherai qu'elle vienne à Silverton deux fois pendant ces 5 années. Quant à l'enlever à sa famille, je suis fort aise que vous ayez parlé de cela, car ceci me donne l'occasion, en présence de mon frère, d'expliquer mes intentions. Malgré tout ce que vous pouvez supposer de mes revenus, je ne suis pas assez riche pour me charger de cette pauvre enfant. J'offre donc, et si je venais à mourir, mes exécuteurs testamentaires le feraient à ma place, de subvenir à son entretien et à son instruction pendant 5 années, après lesquelles je la rendrai soit à vous, soit à ma nièce Barnaby, si vous n'y êtes plus. Ceci établi, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Allons, ma petite fille, venez. Il ne faut pas faire attendre le cocher et les chevaux plus longtemps. Les adieux furent vivement échangés entre la petite Agnès et ses vieux parents. Elle monta dans la chaise de poste, tante Betsy la suivit, et ils partirent. De quel côté se dirigèrent-elles après avoir passé la barrière de Silverton? Personne n'avait songé à s'en informer. La pauvre Mrs. Compton resta pendant quelques instants, le cœur gros et en silence, à regarder la chaise de poste s'éloigner. Mais elle était attendue chez la mariée, à laquelle elle devait faire sa première visite du matin. Cette agréable perspective eut bien vite rasséréné ses esprits. « Je voudrais bien savoir, » disait-elle à Sally, la servante, en s'en allant, « de quel genre sont les choses qu'elle a achetées pour la pauvre enfant. Si elles ont aussi bonne tournure que la petite valise qui était bouclée sur le devant de la voiture, on n'aura pas à s'en plaindre, » fut la réponse. « Maintenant, laissons Agnès suivre sa destinée avec tante Betsy pour revenir à Mrs. Barnaby. »